Top Chrono, rugby à 13. Et on vient un petit peu à l'élite 1, rugby à 13, quart de finale du côté de Carcassonne face au SOA. Jean-Yves, c'est pour toi. Je pense que la muraille carcassonnaise était vraiment haute à franchir. Ouais, Fred, c'était les quarts de finale de ce championnat de France. C'est les quarts de finale, c'était, ça avait l'air de quart de finale, mais en fait, c'était des barrages. Le SOA était confronté à l'équipe de Carcassonne. Alors Carcassonne, on se souvient, hein, la semaine dernière, c'est eux qui avaient remporté la Coupe de France du côté du Parc des Sports. Carcassonne qui, depuis cette victoire, évolue presque sur une autre planète. Hein. Ils ont produit un rugby terrible ce week-end contre le SOA. Le score 34 à 12 face aux Avignonnais. Voilà, ça laisse un petit coup d'inachevé pour l'équipe de Renault Guigues. En même temps, cinquième, ils ont terminé cinquième de la saison régulière. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette saison. Enfin, c'était une belle saison, on le sait. Pour le SOA, c'est toujours compliqué parce que régulièrement, ils forment des bons joueurs, les bons joueurs qui vont évoluer vers d'autres cieux. Et tous les ans, Renault est obligé, avec son président et son staff, de reconstruire une équipe, de reformer des gamins qui montent de junior. Ils font des miracles. Renault et Christophe Desserre, Renault Guigues et Christophe Desserre, les coachs, font régulièrement des miracles, mais à un moment il y a une espèce de presque de plafond de verre qui va être compliqué de casser parce que le SOA n'a pas les mêmes moyens que certains clubs plus huppés qui attirent des joueurs. Quand on voit le nombre de joueurs qui évoluent au Dragon et qui sont passés par le SOA, que ce soit en Super League, je pense notamment à Tony Chigo, au Foyaya, mais aussi Vincent Duport, Benjamin Julien qui joue à Warrington, etc. Tous ces mecs-là sont passés par l'équipe du SOA. Et tous ces mecs-là, s'ils étaient présents dans l'équipe du SOA aujourd'hui, ben le SOA serait simplement une équipe de Super League. Donc, il n'y a pas à rougir de cette défaite, il n'y a pas à rougir de cette saison, bien au contraire. Encore une fois, félicitations au club du SOA et au président Bissière et Gardino, c'est terminé. Est-ce qu'il y a un petit peu des infos que va-t-il se passer du côté du SOA? Parce qu'on ne peut pas finir une saison comme ça. Il va y avoir peut-être un repas. Le club du SOA est toujours sur la brèche dans différentes catégories, notamment les juniors, qui sont toujours en course pour le titre de champion. Ils vont jouer, me semble-t-il, une demi-finale le week-end prochain. Voilà, il n'y a pas de. Les juniors sont largement capables de faire le doublé cette saison. On l'a vu, on l'a vu la semaine dernière lorsqu'ils ont remporté la Coupe de France. Ils ont une foi inébranlable en leur jeu et en leur qualité. Et puis, on les a vus, Fred, revenir la semaine dernière du Diable Vauvert. Hein. Ils ont été menés toute l'après-midi. Ils arrachent à la dernière seconde la légalisation qui leur permet de remporter cette Coupe de France. Donc ce même groupe junior jouera dès la semaine prochaine contre Carcassonne, d'ailleurs, me semble-t-il. Ça reste à confirmer. J'ai pas l'info là sous la main, mais il me semble que c'est ça. Voilà, ces juniors qui peuvent faire le doublé, qui peuvent pour le même coup sauver le SOA le palmarès du SOA, qui est déjà fait, puisqu'ils ont remporté la Coupe de France. Le SOA qui brille aussi dans les catégories inférieures avec d'excellents résultats au niveau de l'école de rugby, preuve que le boulot ne s'arrête pas, preuve que le SOA continue à former des gamins. Oui. Pardon, Fred. Ouais, non, je voulais savoir aussi un petit peu les clubs qui sont un petit peu moins huppés, comme l'élite 2, tout le monde est au repos, on est en plein chantier, on cherche des joueurs, on fait quoi en ce moment? Ben écoute, oui, les grandes manœuvres ont commencé, hein, comme tous les ans. Ça va être différent cette année, Fred, parce que il y a la Coupe du Monde qui se profile très rapidement. La Coupe du Monde, c'est septembre-octobre. Ça va avoir lieu en Australie. Donc la nouvelle équipe dirigeante de la Fédé a décidé de décaler le début de la saison de Elite 1 au mois de janvier 2018. Donc ça va laisser toute la période de septembre-octobre là à janvier quasi inactive. À la place de l'élite 1, la Fédé va proposer du rugby à 9, qui va permettre de garder les mecs sous pression, qui va empêcher les bons trésistes de partir sous d'autres cieux, notamment à 15. Et puis ça va permettre aux joueurs de travailler. Ça c'est pour l'élite 1. En élite 2, le championnat va commencer comme les autres années, c'est-à-dire au mois d'octobre. Je ne sais pas bien comment on va pouvoir articuler les saisons décalées. Manifestement, le président Palan et son équipe ont une idée derrière la tête. Moi, je ne la connais pas. Mais par contre, à titre personnel, Fred, je trouve que démarrer la saison comme d'élite 1, comme la saison de Super League au mois de janvier, c'est une excellente chose parce que on va jouer vers les beaux jours, si tu veux. On ne jouera plus au mois de novembre, décembre, janvier, quand il fait froid, qu'il y a du vent, qu'on se pèle et c'est pas très agréable. Là, le gros de la saison, si tu veux, va s'articuler entre le mois de mars et le mois de juillet. Et ça nous promet des moments sympas, un peu à l'image de ce qu'on connaît en Super League avec les Dragons 14. Merci pour toutes ces infos sur le juste, juste, oui. Juste deux petits mots, Fred, sur le rugby à 13. Carpentras, en élite 2, a battu Villegaillen ce week-end en quart de finale du championnat de France. Il affrontera Bao en demi-finale du championnat de France. Carpentras qui est cette équipe fantasque, presque, qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Demi-finale du championnat de France contre Bao. Et je voulais faire un petit clin d'œil à l'équipe de Comon sur Durance, entraînée par notre ami Lulu de Macedo. Un ancien pontessien avignonnais, carpentracien et voilà. Lulu qui entraîne l'équipe de Comon en national, je ne sais plus, national. C'est-à-dire que oui, d'accord. Voilà, c'est national 2 et qui ont été défaits en finale du championnat de France face au Soleil sur le score de 18 à 19. Donc le coup pour Lulu, c'est pas cette année. Mais ils reviendront. Ils reviendront, le groupe est excellent, ils reviendront, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, merci pour toutes les infos. Ça a été assez complet sur le rugby à 13. Et bien maintenant, Jean, on va se retrouver dans quelques minutes puisqu'on va raccrocher, puisqu'on va appeler Carl Vinsourno. C'est pour le handball national 3 féminine, pardon. Et on va voir avec lui ce qu'il en est. Reste deux matchs. Ils ont fait le boulot le week-end dernier puisque Dallas Marseille a gagné 35 à 31 dans quelques secondes. Top chrono, handball. En effet, je vous ai donné un petit peu le résultat de cette nationale 3, mais on va voir en détail ce qui s'est passé dans cette journée qui était, si je ne me trompe pas, la 20e journée de nationale 3. On va appeler Carl Vinsourno, les résultats de la soirée, peut-être avec mon ami Didier Bougon. S'il est bien avec moi, et bien nous parlons de la nationale 3 féminine en handball, puisque les Mazanaises jouaient du côté de Marseille Nord. Et oui, elles se sont imposées d'ailleurs à Marseille Nord, tant mieux, et félicitations à ces jeunes femmes de Mazan, hein, partent 31 à 35. Ensuite, l'étoile de Beauvais contre hier, 25 à 24. Clermont-Salon, plan de Cuc, 23-23. Cagnes-Lacroix 36 à 29, Ajaccio, Bourg de Péage 26 à 31 et Plan de Grâce, Bouillargues 31 à 28. Et c'est Bourg de Péage qui est en tête de ce championnat avec 59 points, suivi de Mazan avec une différence de 10 points, 49, mais chapeau mesdames, chapeau. Hein. Et ensuite nous trouvons en queue de peloton Marseille Nord avec 25 petits points. Donc, comme toi, je peux dire chapeau à ces Mazanaises et à leur coach. Hein, merci beaucoup. On a Carl Vinsourno, le fameux coach. Oui. Carl, bien sûr, quand on regarde un petit peu cette 20e journée qui vient de se disputer, un match quand même me claque aux yeux, puisque moi aussi, je suis très fervent des résultats en cette fin de championnat, puisque j'ai bien envie un petit peu de voir Mazan briller au plus haut niveau. Eh bien, c'est clairement Salagou qui recevait Plan de Cuc, un match 23-23, la bonne affaire pour cette équipe de Mazan, dont tu es l'entraîneur, puisque vous avez fait le job du côté de Marseille Nord. Ça pouvait être un match piège, Carl. Hein.